الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدوني يوحدوني وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا Ce qui veut dire, apprends aussi, puisse Allah te guider vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, la croyance droite et juste d'Ibrahim consiste à adorer Dieu seul et unique et être fidèle à sa religion. Ce sont les prescriptions d'Allah à tous les êtres humains et c'est la raison pour laquelle il les a créés. Ainsi a dit Allah le Très-Haut Estimé, et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Le mot qu'ils m'adorent signifie témoigner que je suis un. Le monothéisme est le commandement majeur d'Allah. Il signifie n'adorer qu'un seul et unique Dieu. De même, Dieu interdit strictement le polythéisme qui signifie associer d'autres dieux avec lui. Voici l'évidence prescrite par Allah dans le Saint-Coran, adorer Allah et ne lui associer personne. Donc l'auteur, il commence par cette phrase « I'lam arshadak Allahu li ta'ati ». Donc on voit souvent que l'auteur, alayhi rahmatullah, il commence toujours par des belles phrases, des phrases qui interpellent le musulman. On a dit que lorsqu'il dit I'lam rahimakullah, I'lam rahimakallah ou I'lam arshadakallah, hein, c'est une interpellation qu'il fait aux musulmans et à la musulmane. Tout musulman et toute musulmane sont concernés par cet appel. Hein. Pas seulement que les savants ou les étudiants, mais tout musulman et toute musulmane, car ces trois sources fondamentales de l'islam doit être connu par tout musulman et toute musulmane. Donc, I'lam arshadak Allah. Donc, Cheikh Ibn Baz dit, قال رحمه الله, I'lam arshadak Allah li ta'ati, jala'a رحمه الله بين التعليم والدعاء. Ibn Baz il explique que l'auteur, hein, dans cet appel, il a assemblé entre l'enseignement et l'invocation. Il t'appelle et au moment, il te fait une invocation, arshadak Allah. Qu'Allah te guide. Et de même pour tous les prophètes et ceux qui les ont suivis. Donc, l'auteur il dit أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله. يقول الشيخ بن باز حفظه الله قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. Et c'est à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures, et c'est pour cette raison-là qu'il les a créés. Fa amarahum bit-tawhid wal-ikhlas. Il leur a ordonné de lui donner l'unicité et d'être sincère dans son adoration. Et il les a créés pour qu'ils l'adorent. وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم et leur a ordonné de l'adorer, de lui vouer le culte à lui seul dans leur salat. وصومهم et dans leur jeûne. ودعائهم et dans leurs invocations. وخوفهم ورجائهم et dans leur crainte, leur peur et dans leurs espoirs. وذبحهم ونذرهم et dans leur immolation et dans leurs vœux. وغير ذلك من أنواع العبادة et bien d'autres formes d'adoration. كله لله. Tout ceci ne doit être que pour Allah سبحانه وتعالى. كما قال تعالى, comme Allah dit dans le Saint Coran, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Soit sur du voyage nocturne, une partie du verset 23. Et Allah a décrété que vous ne deviez adorer que lui. وقال, et il dit aussi dans le Saint-Coran, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Ça c'est la parole des musulmans qui disent quoi? C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide et secours. وقال سبحانه, et le très glorifié dit dans le Saint-Coran, فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Sourate Az-Zumar, le verset numéro 2. Allah donne un ordre à son prophète alayhi wasalam, et un ordre qui est à son prophète sallam est aussi un ordre pour sa communauté. Il dit, et adore Allah sincèrement, à lui appartient la religion. Waqala subhanah, et le très glorifié dit, Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum. Surat la vache, partie du verset 21. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Et c'est de là qu'on voit que l'obligation et l'ordre d'adorer son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné à toutes les créatures, pas seulement à ceux qui sont musulmans. Tout le monde doit être musulman. Car musulman, comme on a déjà vu le terme, veut dire, la vraie signification du terme, c'est la soumission. Et tout homme doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes, alayhi salatu wa salam, ils étaient tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout homme, toute créature doit être soumise. Toutes les créatures sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les hommes et les djinns, à qui Allah subhanahu wa ta'ala les a doués de raison, il a donné la capacité de faire ou de ne pas faire, d'obéir ou de désobéir, il leur a ordonné d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le chemin qu'il a tracé. Et ça c'est un ordre à tout le monde. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, là il dit dans ce verset, ô vous les gens, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé la créature, il a émis un ordre pour que ces créatures puissent vivre convenablement et qu'ils ne fassent pas de déroute qui pourrait ramener à leur destruction et à leur anéantissement. Et donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a montré le chemin et il leur a montré le mode de vie qu'ils doivent prendre s'ils veulent réussir. Si vraiment ils veulent rester dans ce bas monde et dans cette vie, il leur a montré le mode de vie qu'il faut avoir. Et s'ils prennent un autre mode de vie ou une autre façon de suivre, ceci ne les ramènera que vers leur destruction et leur anéantissement et à l'enfer yom al-qiyam. Et ceci est très grave. هذه العبادة هي التي خلق لها الناس. C'est pour cette adoration que les gens ont été créés. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Allah ne nous a pas créés pour qu'on mange ou on boive, mais il nous a créés pour son adoration. Car les animaux, ils mangent et ils boivent les animaux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, nous, il nous a doués de raison et nous, on aura des comptes à rendre. À la différence des autres créatures. Et c'est pour ça qu'Yawm al-Qiyamah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera les animaux, après il leur dira, soyez de la poussière et de la terre. Et là, l'homme dira, Ya laytani kuntu turaba. C'est là que le verset coranique, lorsqu'Allah est encore à la fin de Sourate Amma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Le jour où le mécréant voit ce que ses mains ont semé, et qu'il dira quoi? Il dira, malheur à moi, comme j'aurais voulu être de la poussière. Pourquoi ? C'est que lorsqu'il verra qu'après le jugement des animaux, quelle est leur fin, il aurait voulu terminer comme eux, être de la poussière, pour ne pas être jeté dans l'enfer. Et nous donc, on a des comptes à rendre, et il faut qu'on en soit conscient. Et ceci, tout le monde est concerné, c'est pas parce que quelqu'un dit, vous savez, moi je suis musulman, je fais la shahada, et il croit que cela suffit. Non, parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui on vit à une époque, et ça c'est depuis plusieurs siècles maintenant, l'islam est mal compris. La grande étiquette islam, les gens, tout le monde dit on est musulman. Mais si on regarde vraiment, est-ce que c'est l'islam convenable, l'islam qui avait été suivi par les pieux prédécesseurs, l'islam bien compris, une bonne conduite et un bon suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là on voit que la majorité des musulmans ne sont pas dans ce chemin-là. Et ceci est très grave. C'est pour ça que certains savants disent, et c'est une vraie parole, ils disent Quraysh, les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tribu, comprenaient convenablement la parole la ilaha illallah, mais ils n'ont pas voulu la dire, mais ils n'ont pas voulu entrer dans la religion. Alors qu'aujourd'hui, combien disent la ilaha illallah et combien entrent dans cette religion, ben ils ne comprennent pas la signification. Ils disent la ilaha illallah et ils adorent autre que Allah. Ils disent la ilaha illallah et ils invoquent autre que Allah. Et ceci est très grave. Parce que si jamais ils savaient ce que veut dire la ilaha illallah, elle a des règles, elle a des obligations, elle a des annulations. C'est une phrase qui est courte, mais qui a une grande signification. Et elle est très lourde à la peser. Si toutes les créatures, toute la création était mise dans le côté d'une balance, et cette parole dans l'autre côté, la ilaha illallah l'emporterait. Rien ne peut être plus lourd que cette parole-là. Cette vérité-là pour laquelle toute la création a été créée. C'est pour qu'on adore Allah, pour qu'on lui voue un culte exclusif à lui seul. Et ça, il faut être conscient de cette parole-là. Ce n'est pas apprendre à la légère. Et c'est pour ça que se trompent ceux qui croient que la ilaha illallah est une parole qu'on peut apprendre en 5-10 minutes. Ça, c'est faux. Et ceux qui essaient d'enseigner ça à leurs disciples, qu'ils sachent qu'ils font fausse route. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un prophète, il est resté 13 ans à la Mecque en train de l'enseigner à ses compagnons. Alors que lui, toute parole qui sort de sa bouche est une vérité. Il avait tout pour gagner du temps, parce que c'est la vérité qui est en face des compagnons. Donc ils n'ont pas à chercher autre part, parce que ça c'est vrai ou c'est pas vrai, comme nous on devrait faire, parce que, nul peut dire moi j'ai toute la vérité avec moi. Il a une part de la vérité, mais dans beaucoup de choses qu'il dit, il peut se tromper. Alors les sahaba, ils avaient en face de qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Et avec tout ça, et il parlait un langage très clair. Et Allah lui avait donné la possibilité d'employer quelques mots pour dire beaucoup. Et avec toutes ces facilités-là qu'Allah lui avait données, il avait une patience, il était miséricordieux envers les compagnons. Et avec tout cela, il a mis 13 ans à l'enseigner. Ça veut dire quoi pour nous? Déjà pour nous, c'est toute notre vie qu'on doit l'apprendre et l'étudier. Et aucune loi n'était descendue, car la majorité des lois et des règles religieuses et des piliers n'ont été ordonné qu'au moment de l'Hijra ou après l'Hijra. Les prières, le jeûne, le zakat, le pèlerinage, et ainsi de suite. Donc avec tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis 13 ans à l'enseigner et à l'inculquer à ses compagnons et à la faire vivre. C'est pour ça que ces gens-là, ils savaient, lorsqu'ils ont eu leur état islamique à Médine, ils savaient la valeur de la ilaha illallah, parce qu'ils avaient combattu pour cette parole-là. Mais nous, on l'a hérité. Et quelqu'un qui hérite ne conçoit pas la chose comme celui qui s'est combattu pour l'avoir. Et ça, c'est le problème des musulmans. Et il faut qu'on se réveille et qu'on revienne à cette parole-là avec la vraie compréhension de cette parole-là. Et ça, c'est très important. Donc, on continue. خَلَقَ لَهَا الثَّقَلَانِ. C'est pour cela que les deux créatures qui sont amenées à être pesées, c'est-à-dire que leurs actes sont amenés à être pesés, qui sont qui? Les djinns et les hommes, qu'on appelle la الثَّقَلَانِ. وَهِيَ تَوْحِيدُ اللَّهِ. Et c'est l'unicité d'Allah. subhanahu wa ta'ala, wa ta'atu awamirihi, et l'obéissance de ses ordres, wa ijtinabu nawahih, et l'éloignement de ses interdits. Qala Allahu ta'ala, Allah le Très-Haut dit, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ya'ni, c'est-à-dire, yuwahiduni fil ibada, qu'ils me fassent l'unicité dans l'adoration et la dévotion. Hein? Car beaucoup croient que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawhid al-rububiyyah, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie. C'est-à-dire, le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui subvient à ses créatures, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui décide de toutes choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui commande, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point du tawhid. Et ce tawhid-là, Quraysh l'appliquait. Et c'est pour ça qu'Allah il dit à son prophète, alayhi salatu wa salam, dans le Coran, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, et qui les a créés eux-mêmes, ils te diront Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Ils diront, c'est Allah, ils reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour eux, il faut des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'ils adorent les intermédiaires, qui sont les statues et les idoles, pour eux, ils ne les adorent pas pour eux-mêmes, mais ils les adorent pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que font beaucoup. Pourquoi tu vas avoir de telles tombes? Pourquoi tu vas voir ces iflènes? Et tu dis quoi? Mais c'est pas lui que j'adore. C'est pas lui que j'adore. Je vais le voir et je fais ça pour, envers lui pour qu'il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la raison de l'acte est la même. Même si l'image, elle change, mais la raison pour laquelle elle s'est faite, c'est la même. C'est une intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'a pas besoin d'intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les compagnons nous demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Allah est près de nous, il nous entend? Allah, il a révélé le verset coranique. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mes serviteurs te demandent après moi, dis-leur que je suis proche. Allah subhanahu wa ta'ala t'entend, et Allah subhanahu wa ta'ala exauce ta demande, hein, directement. Nous, on n'est pas les chrétiens, on n'a pas besoin d'aller se confesser vers quelqu'un. Hein. Donc ça, c'est très important de savoir cette chose-là. Et c'est pour ça que l'auteur, rahimahullah, Mohammed bin Abdul Wahhab, ces trois points-là, quelqu'un pourrait dire, mais c'est normal, oui, il faut savoir qu'Allah c'est notre Seigneur, que Mohammed c'est notre prophète, que l'islam c'est notre religion. Oui, quand on ramène que l'étiquette même, oui, c'est simple à comprendre. On croirait, et puis que tout, mais c'est bon, tout le monde y croit ça. Mais lorsqu'on rentre bien dans les détails, quand on a la réalité de la chose, on voit que les gens sont dans une vallée, mais l'islam réel est dans une autre vallée. Ça, c'est deux mondes différents. Et ça, c'est très grave. وَيَخُصُّونِي بِهَا. Que la dévotion et l'adoration doivent être exclusifs pour Allah subhanahu wa ta'ala. بِفِعْلِ الْأَوَامِرِ. Par la pratique des ordres. وَتَرْكِ النَّوَاهِ. Et le délaissement des interdits. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. Et il y a encore beaucoup d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala incite et ordonne à ses serviteurs de lui vouer un culte exclusif. Donc ce n'est que pour confirmer l'importance de ce point-là. وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ. Et la plus grande chose qu'Allah a ordonné, c'est at-tawhid, c'est l'unicité. Tout prophète qui était envoyé à son peuple, il ordonnait à son peuple de n'adorer qu'un seul Dieu. C'était le point sur lequel il y avait la divergence entre les prophètes et leur peuple. Comme il y a aujourd'hui, pense que ça, c'est un point pas trop important. C'est un point simple à régler. Hein? Ils ne comprennent pas que tout problème qui nous arrive, ce n'est que par notre délaissement de notre religion et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. C'est ça le plus grand problème. Comme Allah dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Et si les gens des cités et les gens des villages avaient cru, nous leur aurions ouvert les cieux et fait descendre des bénédictions de notre part. Seulement ça. Il tansurullaha yansurkum. C'est-à-dire que si vous venez en aide à Allah, Allah vient à votre aide. C'est-à-dire, si vous appliquez la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous, vous appliquez ce qu'Allah vous a demandé, Allah viendra à votre secours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Médine, il était plus préoccupé par l'éducation de ses compagnons que de parler sur les empires qu'il y avait autour de lui. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on voit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais jamais on le voit parler avec ses compagnons sur l'empire perse ou l'empire byzantin ou l'empire abyssin, qui étaient les trois grands empires qui encerclaient l'Arabie. L'Arabie était au milieu de ces trois grands empires. C'est à peine si il savait qu'ils existaient, ces empires-là. Mais lui, il sait que s'il applique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous avait montré le chemin qu'il faut prendre. Nous, on est préoccupés par les États-Unis, par les Russes, par ainsi de suite. À parler, oui, il faut. C'est pas comme ça. Ça ne sert à rien. On peut rester des centaines d'années, c'est pas le chemin. Car le fond, un jour ou l'autre, il est amené à tomber. Mais le vrai chemin, c'est de suivre le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de suivre l'islam graduellement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Par commencer par ce quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Pas de sauter. On n'avait pas encore terminé avec le tawhid, on va attaquer l'économie ou je ne sais pas quoi. Hein? Car si les gens ont le tawhid convenablement, qui veut dire que tu ne dois adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute dévotion, toute adoration, la peur, la crainte, l'espoir, et de ne se remettre qu'en lui, tout ça, si jamais tu ne le donnes qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu as compris Muhammad Rasulullah, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu lui dois l'unicité dans le suivi. Parce qu'il y a aussi le tawhid dans ça. Mohammed Rasulullah, qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là? C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de lui donner de faire l'association dans le suivi. De suivre pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quelqu'un d'autre avec. Je suis les deux. Je ne sais pas lequel choisir entre les deux, donc je vais prendre les deux. Non. Ou alors dire quelqu'un d'autre à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas le droit. Tu dois suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ça c'était bien compris, toutes les lois, les gens arriveront à les appliquer. Lorsqu'on leur dit qala Allahu, ils disent nous avons entendu, nous obéissons. Qala Rasulullah, ils diront quoi? Nous avons entendu, nous obéissons. C'est pas comme aujourd'hui. Tu dis qala Allah, oui mais cher frère, il dit pas comme ça. Qala Rasulullah, oui mais quoi? C'est parce qu'on est, voilà. Car le premier point, qui est la source de l'islam, il n'a pas été réglé. C'est de la vraie compréhension de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et c'est pour ça qu'on voit que beaucoup de gens qui entrent dans l'islam, ou les jeunes qui sont d'origine musulmane, qui reviennent à l'islam, hein, et ça c'est une erreur aussi, hein, parce que nous on n'est pas, on rend pas les gens mécréants. Celui qui est musulman, il est musulman. Et beaucoup c'est par ignorance qu'ils n'appliquent pas l'islam. Donc ça ne veut pas dire rester avec son ignorance, mais ils sont musulmans. Et beaucoup font l'erreur, il dit je suis converti depuis. Alors qu'il est de souche musulmane, il n'a jamais renié l'islam. Ça c'est une erreur. Il y a celui qui se convertit et il y a celui qui revient au chemin. Qui revient dans le chemin. Il s'était égaré pendant un moment, ou alors depuis sa jeunesse, et il est revenu au chemin. Donc il y a une différence dans ce point-là. Et bien, ces gens-là, et ben, on en voit beaucoup, on leur dit quoi? Je veux revenir à Dine ou je veux me convertir à l'islam. Et bien tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il fait la shahada, ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est fini, il n'entendra plus parler de cette parole-là. Vous avez qu'à voir autour de vous. Vous n'êtes tous passés par là. Hein, la plupart, on ne l'a pas suivi depuis qu'on était. Hein, il y a un jour, bah, Alhamdulillah, Dieu nous a guidés, on a commencé à suivre le din. Mais ceux qui nous expliquaient, ils nous ont dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ça s'arrête. On ne nous a jamais expliqué qu'est-ce que veut dire la ilaha illallah et qu'est-ce que veut dire Muhammad Rasulullah. Tout de suite après, il faut que tu fasses ça là. Tout de suite, directement. Parce qu'ils ne comprennent pas que les premiers arabes, lorsqu'ils faisaient la shahada, ils avaient tout de suite compris, ils n'avaient pas besoin qu'on leur explique. Le Quraishite qui disait la ilaha illallah, ça y est, il avait compris que l'adoration n'est que pour Allah. Il comprenait ces termes-là, convenablement. Ils n'avaient pas besoin qu'on lui explique, on en a les détails. Mais comme aujourd'hui on est loin de notre langue, Et on est loin de la vraie compréhension. Car combien beaucoup disent, ça je connais pas ça. Les anciens ne connaissaient pas. Quels anciens? C'est ça le problème. Comme si ce que nous on ramène est tout nouveau. Et c'est bon. D'un côté c'est nouveau pour ceux qui ne connaissent pas. Tout ce qu'on ne connaît pas, toujours pour nous c'est quelque chose de nouveau, bien qu'à une certaine époque c'était connu. Parce que comme si par exemple les confrères ils disent, bon non, l'unicité d'Allah on ne connaît pas. Le premier homme c'est Adam, Adam connaissait l'unicité d'Allah. Donc c'est plutôt vos idées à vous, hein, qui sont venues après. Le premier point qui était, c'était l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car le premier homme, on est tous d'Adam. Et Adam voué un culte exclusif par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui est venu après, qui est en non-conformité avec les lois, c'est ça l'innovation. Donc ça c'est un point qui est très important à savoir. Comme ils disent par exemple, on sent un peu du sujet, mais parce que ça ramène. Tu fais la prière, tu mets ta main droite sur ta main gauche sur ta poitrine, dis ça on ne connaît pas. Et entre Israël, au bled avant, tu ne te rappelles pas quoi, les anciens ils ne faisaient pas ça. Ah, c'est nouveau. Pour eux, c'est ça qui est nouveau. Et ça pas que leur façon de prier, si jamais ils la font à l'époque des Sahaba, c'est eux qui leur diront ça c'est tout à fait nouveau. Ouais, c'est parce que pourquoi? C'est parce que peut-être pour vous montrer quoi? C'est qu'on vient à une époque, il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout, c'est grave. Imaginez le travail. Et ça, c'est le travail des savants. Ça, Cheikh Al-Albani, c'est vrai, c'est le vrai point à Tatsbiya ou Tarbiya. Tarbiya, c'est l'éducation. Normalement, c'est ce qu'on aurait dû faire. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on vient à une époque, on ne peut plus faire l'éducation directement. Parce que il faut faire quoi? Un nettoyage avant. Où tu nettoies ta pensée. Donc tu as de tout ce qui a été rajouté à l'islam. Parce qu'on fait même. Parce qu'on est dans notre tête, tout ce qu'on en conçoit de l'islam, c'est un mélange de vrai et de faux. Donc avant de faire tarbiya, il faut tout nettoyer. Revenir au vrai islam comme les époques des Sahaba. Et une fois qu'on arrive à ce stade-là, eh ben, on s'éduque sur ce vrai islam. Ça, c'est un point qui est très très important. C'est pour ça que c'est un travail qui est long et dur. Et beaucoup se sortent de ce travail-là et cherchent d'autres chemins. Non, nous, notre opinion, c'est on prend le pouvoir, et une fois qu'on a le pouvoir, on impose l'islam aux gens. D'autres, non, nous, c'est pas ça. On fait directement da'wah, même si on connaît rien. Même avec l'ignorance, Allah, il connaît notre lumière, il sait qu'on a une bonne intention, et c'est bon, voilà. Hein? Et ainsi de suite. Chacun essaie de trouver un chemin, pourquoi? Parce qu'ils savent que ce chemin-là, il est long et dur. Et ça demande des hommes. Ça demande du travail. Et ça, eux, ils se sauvent de cette responsabilité-là. Et c'est pour ça que le prophète, sallam, lorsqu'il était avec ses compagnons, il avait tracé un long trait droit. Et dans les côtés, droit et gauche, il avait tracé des petits traits. Et le long trait droit, hein, il a dit, ça, c'est le chemin d'Allah. Et là, c'est le verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et voilà mon chemin droit. Suivez-le. Et ne suivez pas les autres chemins, car ils vous égareront du droit chemin. Et les chemins qui étaient à droite et à gauche, il dit quoi? À la tête de ces chemins se trouve un démon qui appelle les gens. C'est ces petits chemins-là. Et à chaque fois qu'on voit maintenant quelqu'un veut prendre le chemin droit, il faut comprendre, mais tu n'arriveras jamais avec ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus préoccupés par le résultat, hein, que par les moyens et la forme de la chose. Et le résultat, Allah nous a jamais parlé. Allah, c'est lui qui s'occupe du résultat. Toi, tu dois parler pas, toi, tu dois faire, tu dois œuvrer, mais le résultat dépend de tes mains. Combien ont œuvré? Et les résultats n'ont été vus que plusieurs siècles ou plusieurs décennies après leur mort. Mais c'est eux, ils sont à l'origine du résultat. Hein? Mais c'est comme si quelqu'un, par exemple, il sème dans une terre, hein? Il meurt, et l'année d'après, ben, il y a la récolte. Et les gens, ils viennent, et ben voilà, ils récoltent ce qu'il y a. Mais celui qui a semé, il n'a pas vu ce résultat-là. Mais c'est lui qui a semé. Donc, si c'est comme ça alors, hein, ben donc on n'appelle plus personne à l'islam. Puisque quand tu appelles, soit l'homme va te répondre, soit l'homme ne va pas te répondre. mais tu n'as pas le droit. Tu continues à l'appeler, tu appelles, et le résultat ne te regarde pas. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté avec son oncle, Abu Talib, un invité à l'islam, il est mort sans. Et Allah lui a dit, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. وَمَا عَلَى رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Et notre messager, son devoir c'était quoi? C'était que la transmission évidente. Toi tu transmets le message, le résultat ne te regarde pas. Et ça c'est un point, c'est ça que beaucoup se sont égarés. dans ce point là, c'est parce qu'ils veulent voir les résultats. Ils sont pressés de voir les résultats. C'est pour ça. On leur fait croire que les élections, si vous participez, si les gens sont avec vous, d'ici quelques mois, vous y êtes. Ah ben voilà un chemin court, ils y vont. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas appliquer des lois dans un peuple qui ne comprend même pas ces lois-là? Et comme certains disent, combien appellent à l'application de la charia, mais si jamais elle est appliquée, eh ben elle sera appliquée en premier sur eux. Parce que c'est en contradiction avec la charia. Ils appellent à la loi qui va les condamner, sans le savoir. Non, parce qu'ils savent pas. Ils connaissent pas. Eux, c'est seulement. Ils savent pas. Eux-mêmes, ce sont pas. Et combien disent les gouvernants n'appliquent pas l'islam, eux-mêmes ne l'appliquent pas. Car c'est bien facile de dire un tel, Allah a ordonné ça. Lui, il ne l'applique pas. C'est un. Voilà, directement, il lui met l'étiquette. Il s'oublie lui-même. Si lui-même, on est avec lui 24 heures sur 24, qu'une journée de 24 heures, eh ben, je peux vous dire qu'on pourrait aller compter les contradictions avec les lois d'Allah. Donc dès qu'il fait une contradiction avec une loi d'Allah, on lui dira, voilà, toi aussi on te l'a mis aujourd'hui l'étiquette. Et c'est pour ça que le Khawarij, la première secte qu'il y a eu dans l'islam, qui sont sortis contre Ali, hein, car Ali n'avait fait qu'appliquer la loi d'Allah. Hein, et eux ont rendu kafir Ali et les musulmans, et les compagnons. Et ils ont levé l'épée contre le calife Ali radhiyallahu anhu. Et il les a combattus, Ali. Ces gens-là, quand ils se sont éparpillés dans les pays, eux, c'est leur devise, c'était de rendre coupable les musulmans qui n'ont pas les mêmes idées qu'eux. Quand ils se réunissaient, et puis après on le sait, après, le Khawarij, ça s'est divisé en plusieurs sectes. Pour comment ça s'est passé? Et bien, entre eux, chacun rendait qu'un peu l'autre. Mais un jour, un faisait quelque chose, il lui dit, ah ben ça y est, c'est devenu kafir. Donc l'autre il partait, et l'autre il rendait l'autre aussi kafir, et ça, voilà. Entre eux, ils ont pris cette. C'est ça l'égarement. Quand on commence à s'égarer, il ne faut pas se plaindre des dégâts. Des fois, on voit un petit dégât, on ne fait pas attention, c'est là qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut attendre qu'il soit un grand dégât pour commencer à les ouvrir. Et ça, c'est très très grave, ça. Donc c'est pour ça qu'on dit. Que combien appellent à la charia, mais ne savent pas que eux-mêmes ils sont en contradiction avec la charia. Combien ils se rasent la barbe, mais ils appellent à la charia. Oui, l'islam, oui, toi premièrement. Le premier homme t'a ordonné. Pourquoi tu te rases? Oui, mais ça c'est un petit point. Il y a un khilaf. Comment ça il y a un khilaf? Le prophète a dit, il t'a ordonné. Il est le khilaf. Tu ramènes, les ulama ne font des efforts que là, l'ijtihad c'est quoi l'ijtihad? Oui, là, dans la compréhension des textes. On laisse ça de côté. Maintenant, s'il y a l'argumentation du Coran et de la Sunna, il n'y a plus besoin d'autre chose. Et c'est pour ça qu'on voit dans les fondements de la religion, al-usul, al-Quran, al-Sunna, al-Ijma', al-Qiyas. Et tu ne sautes pas. Tu ne vas pas attaquer l'Ijma' alors que tu n'avais pas regardé s'il y avait un verset coranique ou un hadith du prophète sans salam. Avant de dire qal al-imam un tel, il faut voir ce qu'il n'y a pas. Et lorsque on n'a pas de verset coranique, on n'a pas de hadith du prophète, on n'a pas de pratique ou de parole des sahaba, après, les ulama, là, ils font leurs efforts dans tel point. On parle quand on dit ulama, alim, on l'avait déjà expliqué, hein, c'est celui qui a l'ilm. Et l'ilm, c'est là, c'est quoi? C'est qu'à Allah, qu'à la Rasulullah, qu'à la sahaba, comme Ibn Qayyim l'a expliqué. C'est ça la science religieuse. C'est ceux qui ont la connaissance de ces sources. C'est celui-là qu'on dit alim. Mais quelqu'un qui connaît la philosophie ou quelqu'un qui connaît, qui ramène des choses de sa tête, ça c'est pas du ilm ça. Ça, même le plus ignorant, il peut le faire ça. il peut philosopher, il peut ramener les choses de sa tête. Ça c'est pas de la, ça c'est pas de la ça. Et celui qui dit que ça c'est du ilm, ça c'est une fausse étiquette qui a été mise. Donc, l'ilm, c'est, comme Allah dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et demandez aux gens du rappel, lorsque vous ne savez pas. Et le rappel, الذِّكْر, c'est la révélation. Et la révélation, c'est le Coran et la Sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui sort de sa bouche, n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Donc ça rentre dans le wahi. Et c'est ceux qui ont cette connaissance-là, et qui se sont bien abreuvés dans cette source-là, c'est ceux-là les ulama. Pas ceux qui se sont occupés à lire les bouquins des ouvrages des Grecs ou je ne sais pas qui, et puis qu'ils croient que ça c'est de la science. Ça, ce n'est pas de la science, ça. Et c'est pour ça que c'est important de lire la vie du prophète en salam et des compagnons, c'est une chose, mais il faut en prendre le son. Et vraiment, et voir le chemin qu'ils ont pris. Le monde vivait autour d'eux, mais ils ne se préoccupaient pas. Premièrement, c'était l'enseignement et l'éducation. Une fois que le prophète sallam avait cette génération de sahaba et qui était prête à pouvoir aller au-delà des frontières, et bien là, mais pas avant. Pas avant les préparatifs. Comme bien on les voit appeler au djihad, ils savent même pas c'est quoi les règles du djihad. Ils savent même pas c'est quoi. Le djihad, ça s'apprend. Il y a des ouvrages sur ce domaine-là, ce point-là. C'est comme dans une cassette, Cheikh Al-Albani parle avec un émir qui était en Bosnie. Il lui expliquait quoi ? Il lui a donné un exemple, il dit, il sort dans un village en Bosnie où des musulmans avaient réussi à prendre le dessus, et il y avait des soldats bosniaques qui s'amusaient avec une tête d'un cerf. Ils se la lançaient entre eux. Et quand il leur a dit, mais pourquoi vous faites ça ? Ils ont dit, eux, ils nous ont fait pire que ça. Et là, elle lui a dit, mais tu vois, c'est pour ça. C'est l'ignorance pure. Et ça, si je ne me trompe pas, je crois à l'époque des Sahaba ou des Tabi'in, il y a dû se passer une chose à peu près pareille, c'est que des musulmans ont torturé des prisonniers des ennemis. Et quelqu'un qui est un Sahabi, je sais pas ce que je vais vous dire l'histoire, comment elle s'est passée, il est venu, il leur a dit, mais pourquoi vous faites ça ? Vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de faire cette chose-là. Ils ont dit, et eux, qu'est-ce qu'ils font avec nos prisonniers ? Il leur a dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas envoyé pour imiter les peuples, mais pour que les peuples vous imitent. Et c'est pour ça que maintenant, il y a quelques-uns qui disent, maintenant c'est plus la peine de porter la barbe. Les juifs et les chrétiens, ils ont la barbe. Donc, le prophète Sam l'avait dit, différenciez-vous des juifs et des chrétiens, laissez-vous pousser la barbe, et taillez la moustache. Ouais, maintenant, il y en a plein qui le font. Même les hindous, ils la font, ils le font. Les syriques, ils le font. Combien essaient de... Ça c'est pas une forme d'argumentation, ça c'est quelqu'un qui veut se faufiler. Ça c'est le hila. Quelqu'un qui veut se sauver. Dès que tu lui amènes une règle, ben, il essaye de t'avoir avec des. Sachez tout, une règle, ça c'est une règle à connaître. Que lorsque quelqu'un vient vous ramener, c'est faux. C'est plutôt des embellissements. Ces embellissements qui sont faux, et ben, c'est de lui répondre. Allah nous a envoyés pour que eux ils nous imitent. Enfin, mais pas le contraire. Si eux nous imitent, alhamdulillah, Allah nous a ordonné d'être véridiques. Si les gens ils commencent à être véridiques, on va pas l'être. Subhanallah. Hein? Donc ça c'est une chose à bien le comprendre et à bien le concevoir. Et c'est ça le problème du suivi. Ou bien ils disent nous on suit le Coran et la Sunna. D'accord, c'est vague. Comme ils disent, non, tu dois dire aujourd'hui je suis musulman, tu vas pas plus loin. D'abord, toi, qui tu es pour pouvoir ramener cette règle-là ? Qui t'a dit qu'il fallait dire seulement je suis musulman ? Combien aujourd'hui des discussions qui se passent ? Mais c'est ça, c'est très important que le musulman doit être sûr et doit être sûr de lui, qui est vraiment bien dans le droit chemin. On ne doit pas mourir dans le doute. Avec des preuves évidentes. Hein? Toi, premièrement, qui tu es pour dire que je dois dire seulement je suis musulman. Je n'ai pas à dire autre chose. Eh bien, c'est ce que je pense, c'est ce que... Ben non. Premièrement, toi, tu n'as rien à dire. Moi, je n'ai rien à dire. On ne doit répéter que ce que les ulama nous ont enseigné. Parce que nous-mêmes, il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il est capable d'aller faire sortir les règles religieuses du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même pour faire la prière, on ne peut pas. Si on enlève les enseignements des ulama, on vous donne les livres, ben vas-y. Pas si cet amour sera réussi à pouvoir faire une prière complète. Prenez quelqu'un qui n'a jamais fait la prière, qui ne connaît pas, il ne sait pas faire la prière. Tu lui donnes tous les livres de hadith et tu lui donnes le Coran et il se débrouille tout seul. Il ne pourra pas. S'il n'a pas les bases, s'il n'a pas étudié la langue arabe, les règles de la langue arabe, des bases dans la religion, un certain bagage, il ne peut pas. C'est comme si un jeune, vous lui donnez des livres de mathématiques de niveau maîtrise, de niveau doctorat. Hop, tiens, niveau doctorat, ben, je t'ai donné des ouvrages, il y a tout dedans. Il y a des réponses dedans. Ben oui. Il y a des étapes à passer avant. Mais ça, on l'a tous compris dans ça. Hein. Personne ne fait cette erreur-là. Dans les mathématiques, dans les sciences naturelles, dans tous ces domaines-là, personne ne fait l'erreur. Mais pour la religion, parce qu'on ne sait pas la valeur de la religion. C'est une religion, sachez de qui vous la prenez. Ça, c'était les plus connaisseurs qui disaient cette parole-là. Cette parole-là est très importante. Vous imaginez l'imam Malik qui disait une parole, oui, tu l'as dit, je ne sais pas de quoi on va traiter. Il disait quoi ? « La ta'khuzou an Malik, wa la an Shafi'i, wa la an al-Awza'i, wa la an Sufyan, wa lakin khuzou min haythu akhadou. » Ne prenez pas de Malik, ni de Shafi'i, ni de Sufyan, ni de l'Awza'i, mais prenez de là où ils ont pris. Il faut comprendre cette parole-là. C'est-à-dire que même si tu étudies chez ces gens-là, on ne peut pas dire de t'attacher à eux. Et ça, c'est le grand problème. Eux ne sont là que pour te montrer le chemin du prophète en salam. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Dans un état islamique, il y en a qui, comme on dit, on n'a pas à faire des lois. Les lois d'Allah, c'est celle qui doit être appliquée. Il y en a qui disent, ben, quoi il sert le gouvernement dans l'état islamique? Parce que vous savez, aujourd'hui dans le monde, il y a deux pouvoirs. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous, on n'a pas de pouvoir législatif. Le législateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et son prophète, alayhi wa sallam. Le gouvernant, c'est le pouvoir exécutif. Et il exécute les lois d'Allah et de son prophète, alayhi wa sallam. Et donc, les ulama, ils servent à quoi? Les ulama montrent au gouvernant les lois d'Allah. C'est très important, il faut comprendre ça. Je vais me dire, les ulama servent à quoi? À montrer aux gouvernants les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gouvernants les appliquent. Et ça, c'est très important à le savoir. Donc, je crois qu'on s'est un peu trop attardé sur ce point-là, bien qu'il était quand même important à mettre le point dessus. Donner l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est lui que tu adores. Ton attention, elle est vers lui. D'où n'a kulli man siwa, personne d'autre hormis lui. Wala ta'bud ma'ahu sanaman, tu n'adores pas avec Allah une statue ou une idole. Wala nabiyan, et aucun prophète. Wala malakan, et aucun ange. Wala hajaran, aucune pierre. Voilà djinniyen et aucun djinn. Voilà rezalik et rien d'autre. Tu n'adores que Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Et c'est de donner l'unicité d'Allah dans l'adoration. Wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk. Et la plus grande chose qu'Allah a interdit, c'est ash-shirk, le polythéisme, l'association. Ash-shirku da'wa. Alors, Cheikh Ibn Baz, il commence cette parole-là en disant ash-shirku da'watu ghayrihi ma'ahu. Le shirk, le polythéisme, c'est l'invocation d'autre qu'Allah avec Allah. Waqad qala subhanahu. Et le très glorifié a dit ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. S'ils associent quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, toutes leurs œuvres tomberaient. Car celui qui fait du shirk, ou celui qui fait de la mécréance, ses œuvres, elles tombent. C'est pour ça que lorsqu'on était à Médine, dans le cimetière de Baqir, vous savez, vous voyez les chiites et les soufis, tout ce qu'ils font dans le cimetière, ils inventent des choses. Il y avait un étudiant saoudien, là, qui était là-bas pour un peu mettre de l'ordre et pour expliquer aux gens que les choses qui se font et les choses qui ne se font pas. Donc il s'est levé et il a commencé à crier en disant « Mais je suis étonné de ce que vous faites. Vous venez à plus de milliers de kilomètres d'ici pour faire tomber toutes vos œuvres. Vous fatiguez à faire des milliers de kilomètres pour venir reposer vos œuvres. Allah. Vous venez là et toutes vos œuvres elles tombent. Enfin, vous aviez des œuvres peut-être dans vos pays. Vous aviez des œuvres et tout. Parce que vous connaissez, vous avez encore rien fait de ces choses-là. Vous êtes venu ici pour tout, pour proposer vos œuvres, vous partez avec zéro. C'est grave. Ça, c'est tout ça. À l'origine, c'est l'ignorance et le délaissement de la loi d'Allah. وقال سبحانه الكريفي دي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Certainement il t'a été révélé à toi, c'est-à-dire à toi au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux d'avant toi, c'est-à-dire les prophètes qui ont été envoyés avant lui. لئن اشركت, si jamais tu associes quoi que ce soit, ton œuvre tombera et tu seras parmi les perdants. Le premier verset qu'on avait cité, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, c'est le sourate les bestiaux, une partie du verset 88. Et le dernier verset là qu'on vient de citer, c'est la sourate Al-Zumar, verset 65. وَفِي الصَّحِحَيْنِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُئِلَ أَيُّ الزَّنْبِ أَعْظَمْ. Et dans les deux authentiques, le Sahihayn, dans les deux authentiques, c'est-à-dire les deux ouvrages de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit سُئِلَ أَيُّ الزَّنْبِ أَعْظَمْ, on lui a demandé quel est le plus grand péché. قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. Il a répondu, c'est de donner un associé à Allah alors qu'il t'a créé. قِيلَ ثُمَّ أَيُّ, puis on lui a dit, et puis quoi après ? قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ. Il a dit, puis vient quoi ? C'est que tu tues ton enfant par peur qu'il mange avec toi. Par peur que tu aies à lui donner à manger. Tu penses que tu n'auras pas assez à lui donner. Alors que normalement, le risque, la subsistance, elle n'est pas entre tes mains à toi. C'est à qui t'a nourri toi, premièrement ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton enfant qui vient au monde, sache que son risque qui lui a été écrit va lui venir. Que toi tu le veuilles, tu ne le veuilles pas. Car tout nouveau-né, hein, parmi les choses qui lui sont écrites, il y a son risque qui lui a écrit. Combien il aura dans cette vie, combien il vivra, sera-t-il parmi les gagnants ou les perdants, et ainsi de suite. Ça, tout ça c'est écrit. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui est garant de cette chose-là. Et combien des fois cherche un appartement, cherche du travail, et ainsi de suite, il ne trouve rien du tout. Dès qu'il y a une naissance, tout vient. Une femme lui a donné Fatima. Il lui a dit, as-tu quelque chose à lui donner ? Il a dit, je n'ai rien. Il lui a dit, ramène ton bouclier. Subhanallah. Ça, c'est, ça n'existait pas. C'est pour ça qu'il y avait de la baraka, de la bénédiction à leur épouse. Et les portes de Shaitan étaient fermées. Et c'est pour ça que le prophète s'en sert lorsqu'il dit, « إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَتَزَوِّجُوهُ إلا تفعل تكون فتنة وفساد كبير في الأرض. فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. C'est-à-dire, lorsque vient à vous, là c'est un appel aux parents, lorsque aux parents, le père surtout, lorsque vient à toi, celui qui te demande la main de ta fille, ou de celle ou de telle qui est suite à tutelle, et que tu n'as rien à lui reprocher de point de vue religieux et comportement. Pardon, on a dit la voix pour le cas. C'est-à-dire que tu es satisfait de sa religion et de son comportement. Au fond, toi, tu sais très bien que c'est quelqu'un dans la religion, il est bien, et dans le comportement, il est bien. n'a rien à lui reprocher, donne-lui. Si tu ne le fais pas, ce sera une grande fitna qui sera sur terre et une grande corruption. Et bien c'est ce qu'on voit. Quand il n'y a pas de mariage, et bien il y a la corruption. Et ça c'est un point parmi combien de points où les musulmans se sont éloignés de la loi islam. Puis on lui a dit, puis c'est quoi qui vient après? C'est que tu fasses l'adultère avec la femme de ton voisin. L'adultère, c'est interdit complètement. Ça, alhamdoulilah, tout le monde le sait. Mais là, il précise que tu le passes un voisin en général. Donc ça, c'est le vrai voisinage. Hein. Le vrai voisinage d'aujourd'hui. Tu demandes, tu connais pas, vous connaissez pas un tel? Non, c'est son voisin. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Même au bled, hein, dans le pays, c'est la même chose. Tu cherches une maison, oh non, on ne connaît pas. Ouais, les méthodes, les manières de vivre ici, ils aiment bien imiter ça. Ouais, chacun pour soi. Hop. Et ben ça, et tu viens, tu ne sais pas où est-ce qu'il habite un tel. Oh non, on ne connaît pas. Mais ce nom-là, ça ne nous dit rien. Tu cherches à la fin, tu penses que c'était la maison d'à côté. C'est pas là-bas. Ça c'est non, ça c'est le vrai voisinage qui est de se connaître, ainsi de suite, tous les droits, parce que ça, le voisin a un droit. Le voisin a un droit. Si vraiment on regarde vraiment la loi islamique, on est loin. Imagine que tu n'as même pas le droit de te remplir le ventre en sachant que ton voisin il n'a rien à manger. Tu n'as pas le droit. C'est pour ça que si on rentre dans les détails, c'est vraiment là où on voit vraiment où est-ce qu'on en est. Et on voit bien ce qu'on subit, c'est parce que c'est nos mains qui l'ont semé. Il n'y a pas un mal qui nous touche, ce n'est parce que nos mains ont semé. Nous qui sommes coupables de cette chose-là. Donc, mais de faire l'adultère avec la femme de ton voisin, et ton voisin, de toute façon, il est parti en voyage, ou il est parti au travail, et pour lui, il est en complète confiance. Comme quoi, il n'y aura jamais rien, ce point-là. Et toi, tu en profites. Ça, c'est pour ça que interdit c'est une chose, mais là, l'interdiction elle est encore plus forte. C'est ce point-là. Fadayyana sallallahu alayhi wa sallam, anna shirka a'azam az-zunoub, wa ashadduha wa akhtaruha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré que le polythéisme était le péché, le plus grand péché, et le plus dur des péchés, et le plus dangereux des péchés. Wa fil hadith al-akhar, et dans l'autre hadith, يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ne vous parlerai-je pas du plus grand des grands péchés. Les kabaïr, ce sont les grands péchés. Alors là il dit le plus grand des grands péchés. قلنا بلى يا رسول الله, on a dit si au messager d'Allah, بلى ça veut dire c'est oui, mais c'est une réponse à une question qui a été posée, une question négative, à la forme négative. Vous comprenez? Si la question a été posée à la forme affirmative, ils diront na'am. Si elle est posée à la forme négative, ils disent bala. Et en français, c'est la même chose. On dit oui et on dit si. Si, c'est lorsque la question a été posée à la forme négative. Et oui, à la forme affirmative. قلنا بلى يا رسول الله نجيب سي ومساجد الله قال إذي الإشراك بالله سي لفلتسوا الله سبحانه وتعالى الحديث متفق عليه الحديث اللي متفق عليه متفق عليه لا ممكن كل لكم خنفا متفق عليه يقول بسي طول المودة يكيد أكون صحيح الحديث نو يعني دير c'est un hadith qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Alors, il y a plusieurs formulations pour vous faire comprendre qu'un hadith est rapporté par Bukhari Muslim. On dit Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rapporté par Bukhari Muslim. Hein? On dit Fi Sahihayn. Dans les deux authentiques. Et on sait que quand on dit dans les deux authentiques, ce qui est visé, ce sont Al-Bukhari et Muslim. On dit Muttafaqun alayh. Al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté. Donc ça, c'est ça. Sinon, linguistiquement, Moutafakoura, ça veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire, ils ont été d'accord dessus. D'accord? Mais là, on ne traduit pas littéralement. traduire le sens, ça veut dire rapporté par Bukhari et Muslim. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. L'unicité c'est de n'adorer qu'Allah seul. والشرك et le polythéisme هو دعوة غير الله مع الله. C'est l'invocation d'autre qu'Allah avec Allah. تدعوه, tu l'invoques, أو تخافه, ou tu le crains, أو ترجوه, ou tu espères en lui, أو تذبح له, ou tu immoles pour lui, أو تنذر له. Ou tu fasses un vœu pour lui, ou reste avec lui une noire ibadah ou autre forme d'adoration. Voilà le grand polythéisme. Pourquoi il précise que c'est le grand? C'est car c'est le polythéisme qui sort de l'islam, qui fait partie de l'islam. Sinon, on a de l'autre côté le petit polythéisme. Comme l'ostentation. Et ça, il y a une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour qu'Allah nous pardonne. Il nous efface ce petit polythéisme. Il faut des fois, on en fait sans le savoir, sans en être conscient. Et la doua, on peut en disant Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ou Allah, je te demande de me pardonner si j'étais associé quoi que ce soit alors que je le sais, et je demande de me pardonner pour ce que je ne sais pas. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Même si celui qui t'a invoqué c'est Nabiyen, un prophète, ou un malakan, ou un ange, ou un djinnien, ou un djinn, vous voyez, la plupart des choses sont répétées. Pas se dire pourquoi tant de répétitions. Parce que c'est un point et il faut faire que des répétitions. Plus c'est répété, et plus là on se dit, mais c'est vraiment, ça a autant de valeur. C'est véridique, ça a autant de valeur. Et c'est pour ça que c'est répété et répété. C'est pour montrer que ça a beaucoup de valeur, que c'est la chose le plus grand point qu'il faut apprendre. Ou chajaran, ou un arbre, ou hajaran, ou une pierre, ou rejalik, ou autre. C'est pour cela que le Très-Haut a dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Et adorer Allah et ne lui associer rien d'autre. Rien d'autre. Donc il va expliquer ce terme-là, ça fait de base. Nakira. C'est-à-dire que c'est un terme qui est indéfini. Il n'a pas d'article. Il est indéfini. Bihi shay'an. Bon, indéfini, comme quoi il est indéfini, c'est un tenwin. Bon, on voit ce qui suit. C'est bien, un tenwin, shay'an. Parce que c'est quoi un date de tarif? L'article de définition en arabe, c'est quoi? Alif lam. Il y en a beaucoup qui oublient, hein. C'est pas grave. D'accord. Nakira. Donc, il est indéfini. Fi siyaq an-nahy. Dans une phrase où il y a une interdiction. Wa la tushriku bi shay'a. Et ne lui associe rien du tout. Donc là, il va nous expliquer. Fata'ummu kulla shay'in. Ça veut dire que ça généralise tout. On n'a pas le droit d'associer rien que ce soit, rien du tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit bien que dans le langage arabe, lorsque le terme il est un indéfini dans une phrase où il y a une interdiction, hein, c'est une globalité, une généralité. Donc là, il y a de la place pour personne. Tu ne dois adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul et personne d'autre. Wa qala subhanahu, et le très glorifié a dit wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah seul, sincèrement. À lui appartient la religion. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. La plus grande chose à laquelle Allah a appelé, a ordonné, c'est l'unicité. كما تقدم, comme on a dit précédemment. وأعظم ما نهى عنه هو الشرك بالله. Et la pire des choses qu'il a interdit, c'est le polythéisme envers Allah subhanahu wa ta'ala. كما تقدم, comme on a dit précédemment. ولهذا أكثر سبحانه وتعالى. Et c'est pour cela qu'Allah glorifié soit-il, le Très-Haut, répète beaucoup dans le Coran, من الأمر بالتوحيد l'ordre à l'unicité والنهي عن الشرك et l'interdiction du polythéisme. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et c'est ce verset-là qu'on vient de voir l'explication de Charles Ben dessus. Et sur ce point, on va s'arrêter là. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.